Chapitre 18e. Je venais de lier ensemble les deux jolis pieds d'Ursule. Je venais de charger ses mains des liens dont elle avait débarrassé les miennes. Je préparais à regret le mouchoir qui devait lui couvrir la bouche. « Un moment, dit-elle, un moment encore. Je veux vous répéter vos dernières instructions qu'il faut bien retenir. Guidée par la faible lueur de cette bougie, vous entrerez dans le souterrain que nous venons de parcourir ensemble. À quelques pas d'ici, comme je vous l'ai fait voir, vous détournerez à gauche, bientôt vous arriverez à cette trappe que nous avons eu tant de peine à lever. Tout près de là, sous le hangar de la petite cour, vous prendrez l'échelle du jardinier. Enfin, avec cette clé-ci, vous ouvrirez la grille du jardin que vous connaissez et veuille le ciel vous préserver de tout accident. Ah, j'oublie encore une précaution nécessaire. Je l'oubliais parce qu'elle ne regarde que moi. Pour qu'il paraisse moins douteux qu'on a employé la force, afin de vous arracher d'ici, ayez soin, en sortant, de jeter à l'entrée du cachot l'un des deux pistolets que la maréchaussée vous a si heureusement laissé. Partez, mon ange, sauvez-vous, il est déjà tard. Adieu, divin jeune homme, l'abeille n'a pas de miel plus doux que tes paroles. Le feu de ton regard brûle mon cœur, mon âme repose dans la tienne. Couvre-moi le visage et hâte-toi de sortir d'ici. » « Grand Dieu, le jour va bientôt paraître, et si l'on me découvre ici, je suis perdu. » Je courus à mon échelle, sur laquelle je ne montais que difficilement, à cause de la longue robe dont Ursule avait voulu que je restasse affublé. Déjà, cependant, je touchais au chaperon du mur, lorsqu'en me pendant du côté de la rue, je vis une escouade du guet qui s'y promenait. Je redescendis précipitamment, fort embarrassé de savoir par où je sortirais. Il ne fallait pas songer à me sauver chez M. de Frémont, où j'étais trop connu, et je ne savais par qui était habitée la maison que je voyais à côté de la sienne. Mais quel qu'en fût le propriétaire, aucun séjour ne pouvait être plus dangereux pour moi que celui du couvent. Je me déterminai donc à planter mon échelle le long du mur mitoyen. Pour faire avec moins de difficulté ma périlleuse incursion, je songeais à quitter l'ample vêtement qui gêne tous mes mouvements. Mais un léger bruit se fait entendre et m'effraie. Au lieu de perdre du temps à me déshabiller, je grimpe le plus vite qu'il m'est possible, en me mettant promptement à califourchon sur le chaperon, j'enlève l'échelle que je veux planter de l'autre côté. À l'instant où je la tiens en l'air, je crus apercevoir quelqu'un près de la grille du jardin que je quitte. Mon effroi s'augmente, ma main tremble, l'échelle m'échappe et tombe. Me voilà dans un équipage très incommode, à cheval, sur un mur. Heureusement, un saut de 10 pieds n'est pas fait pour m'épouvanter. Le temps presse, il n'y a pas à délibérer, je me précipite. Au bruit de la double chute de mon échelle et de mon individu, une jeune fille en caraco est sortie de derrière une charmille où elle se tenait cachée. D'abord, elle venait droit à moi, soudain elle s'arrête, comme si elle était aussi épouvantée que surprise, et elle se couvre le visage de ses deux mains avant que je sois assez près d'elle pour distinguer ses traits. Moi, je la rassure, et tout en implorant son secours, je baise l'une après l'autre les deux petites mains que je voudrais écarter pour voir la figure apparemment jolie qu'elle me cache. « Une religieuse !» dit alors une voix. « C'est lui qui se déguise ainsi, un faquin. Je vous apprendrai à venir en conter à ma maîtresse. » Comme je me retourne pour regarder d'où part la voix menaçante, je sens mes épaules rudement compromises. Sans respect pour ma robe, on me régala de coups de bâton. Il est vrai que j'en reçus plusieurs avant d'avoir eu le temps de tirer mon pistolet de ma poche, mais vous allez décider si mon honneur, involontairement outragé, fut suffisamment vengé par la réparation à laquelle je forçais mes brusques agresseurs. Ils étaient trois. Chacun d'eux suspendit ses coups dès qu'après avoir reculé de quelques pas j'eus montré le redoutable instrument dont je venais de m'armer. Celui de mes adversaires que je regardais le premier avait à peine 14 ou 15 ans. Je le reconnus pour un de ces petits-enfants de jolie figure, un de ces jockeys élégants, qui, majestueusement courbés sur le faîte menaçant d'un cabriolet colossal, font de gentilles grimaces aux passants que leur maître éclabousse ou, d'une voix douce et flûtée, crie gare à ceux qui l'écrasent. Je ne donnais qu'un coup d'œil au second. C'était un de ces grands coquins insolents et lâches que le luxe enlève à l'agriculture, que nous autres gens comme il faut payons pour jouer aux cartes, ou pour dormir sur des chaises renversées près des fournaises de nos antichambres, pour jurer, boire et se moquer de nous dans nos offices, pour manger au cabaret l'argent de monsieur, pour caresser dans les mansardes les femmes de chambre de madame. Le troisième s'attira toute mon attention. Sa mise était en même temps simple et recherchée, indécente et jolie. Il avait dans son maintien quelque noblesse et beaucoup de grâce. Son air conservait quelque chose d'imposant jusque dans sa frayeur. Je jugeais qu'il était le maître des deux autres. « Monsieur, si vous osez faire un pas, si vous vous permettez seulement un signe, si vos gens tentent la moindre résistance, je vous tue. Faites-moi la grâce de répondre. Êtes-vous gentilhomme ? Oui, monsieur. Votre nom ? Le vicomte de Valbrun. Monsieur le vicomte, je ne vous dirai point comment on m'appelle. Vous saurez seulement que je vous vaux bien. Cette aventure, dont le commencement m'a été si désagréable, finira-t-elle heureusement pour vous ? Il est vraisemblable que ce n'est point à moi que vous en vouliez, mais enfin c'est moi que vous avez indignement outragé. Monsieur, vous ne l'ignorez pas, sans doute, l'honneur offensé veut du sang. Malheureusement, l'heure me presse, et je n'ai qu'un pistolet. Cependant, nous pourrons, si bon vous semble, vider notre différence sans sortir d'ici. D'abord, je vous prie de vouloir bien renvoyer votre domestique et votre jockey. » Monsieur de Valbrun fit un signe, et les deux valets s'éloignèrent. Soudain, je fus au maître et lui présentant un de mes poings fermés. « Il y a là-dedans, monsieur, quelques pièces de monnaie. Père ou non. Si vous devinez, je vous remets le pistolet, vous tirez à bout portant. Si vous ne devinez pas, vicomte, je vous déclare que vous êtes un homme mort. Père, dit-il. J'ouvris la main, il avait rencontré juste. Adieu, mon père, ma Sophie, adieu pour jamais. » Monsieur de Valbrun, en prenant le pistolet que je lui présentais, s'écria. « Non, monsieur, non, vous reverrez votre père et Sophie. » Il tira son cou en l'air et tombant à genoux. « Étonnant jeune homme, continua-t-il, qui donc êtes-vous ? Que de noblesse et d'intrépidité ! Je serais trop inexcusable si j'avais pu vous outrager volontairement. Songez que ce fut le hasard qui me rendit coupable, et daignez m'accorder mon pardon. » Je m'efforçai de le relever. « Monsieur, reprit-il, je ne quitterai point cette posture que vous ne m'ayez pleinement rassuré sur vos dispositions. Vicomte, vous me demandez grâce quand vous m'avez laissé la vie. Croyez que je ne conserve aucun ressentiment et que je serai charmé d'obtenir votre amitié. À qui ai-je le bonheur de parler ? Je ne puis vous le dire. Je me ferai connaître dans un temps plus heureux. Souffrez que je me retire. Comment ? Avec cette robe de religieuse ? Entrez chez moi. Je vous ferai donner un habit. Ce sera l'affaire d'un moment. » En effet, il était impossible que je sortisse dans l'équipage où je me trouvais. J'acceptais les offres du vicomte. Cependant, la jeune fille qui avait causé tout le désordre était demeurée à quelque distance et ne disait pas un mot. Monsieur de Valbrun l'appela. Elle vint en se cachant toujours le visage avec ses mains. « Quelle pudeur !» lui dit le vicomte. « Comme cela est intéressant. Vous concevez, mamie, que je ne suis pas la dupe de cet air-là. Je voulais bien, comme cela se pratique dans une petite maison, vous céder quelquefois à d'honnêtes gens qui sont mes amis. Mais nous étions convenus que vous ne vous donneriez jamais sans mon ordre, et vous sentez que votre maître ne se soucie point d'être le rival de votre coiffeur. Puisque c'est ce beau monsieur qui vous plaît, eh bien, que ce soit lui qui paye. Dès ce soir, nous nous séparons, mademoiselle Justine. » À ce nom qui sonnait si doucement à mon oreille, j'interrompis monsieur de Valbrun. « Elle s'appelle Justine ? » Il serait bien singulier. Monsieur le vicomte, me permettez-vous d'éclaircir un doute ? Il m'assura que je lui ferais plaisir. Je m'approchai de la jeune fille. J'écartai ses mains, trop discrètes, et comme il faisait assez clair pour qu'on pût distinguer les visages, je reconnus cette jolie figure chiffonnée dont le piquant souvenir m'avait quelquefois donné du souci. Faublas. Quoi ? Vraiment ? C'est toi, ma petite ? Justine. Oui, monsieur de Faublas, c'est moi. Le vicomte de Valbrun. Monsieur de Faublas ? Il est noble, vaillant et généreux. Il croyait toucher à son heure suprême et nommait Sophie. 100 fois, j'aurais dû le reconnaître. Il vint à moi et me prit la main. Brave et gentil chevalier, vous justifiez de toutes les manières votre réputation brillante. Je ne suis pas étonné qu'une charmante femme se soit fait un grand nom pour vous. Mais dites-moi, comment êtes-vous ici ? Comment, après l'éclat du plus fâcheux duel, osez-vous paraître dans la capitale ? Il faut qu'un grand intérêt vous y entraîne. Monsieur le chevalier, donnez-moi votre confiance, et regardez le vicomte de Balbrun comme le plus dévoué de vos amis. D'abord, où allez-vous ? Faublas. À l'hôtel de l'Empereur, rue de Grenelle. Le vicomte. Un hôtel garni et dans le quartier de Paris le plus habité. Gardez-vous-en bien. Dans celui-ci d'ailleurs vous êtes connu, et vous oseriez vous y montrer pendant le jour ? Et vous n'y feriez point vingt pas sans être arrêté. Le vicomte avait raison, peut-être, mais je ne sentais que le vif désir de hâter le moment qui me rapprocherait de Sophie. J'insistais donc. « Eh bien, soit, me dit-il, mais au moins souffrez que j'aille à la découverte pendant que vous allez mettre un habit. Justine, conduisez monsieur dans le cabinet de toilette, ouvrez-lui ma garde-robe, et ayez soin qu'il ne manque de rien. » Dès que le vicomte fut sorti, je demandai à Justine quel était précisément son emploi dans le lieu où je la rencontrais. « C'est ici, me dit-elle en bégayant, la petite maison de monsieur de Valbrun. J'entends. Tu es dans ce temple de la volonté l'idole qu'on encense. Mademoiselle, vous êtes assez jolie pour cela. Monsieur de Faublas, vous me faites des compliments. Comment ta fortune a-t-elle si fort changé en si peu de temps ? Bon, l'aventure de madame la marquise m'a fait une espèce de réputation. C'était à qui m'aurait il y a 3 semaines. De tous les prétendants, monsieur de Valbrun m'a paru le plus aimable. Le plus aimable ? Et déjà, tu lui fais de mauvais tours ? Moi, point du tout, c'est qu'il est très jaloux, monsieur le vicomte. Mais ce coiffeur ? Fis donc, l'horreur ! Est-il seulement croyable que je m'occupe d'un être comme celui-là ? Comment donc, Justine ? De la fierté ? Mais que diable allais-tu faire de si bonne heure dans ce jardin ? Prendre l'air, uniquement prendre l'air. Au reste, si monsieur le vicomte se fâche, tant pis pour lui. Je ne suis pas embarrassé de trouver des places. Oui, des places, dans des petites maisons. Dame, je veux faire une fin. Voudriez-vous que je reste à servant toute ma vie ? J'aime mieux être la maîtresse de quelque seigneur qui me fera un sort honnête et... Voilà ce qui s'appelle solidement penser, Justine. Avec vos beaux calculs, pourtant, vous trahissez lâchement nos amours, perfide. Tu m'oubliais totalement, petite ingrate. « Oh non !» répondit-elle d'un ton caressant. « Je suis charmé de votre retour et de cette rencontre. Monsieur de Faublas, vous serez bien sûr d'être aimé chaque fois que vous voudrez plaire, et ce ne sera pas avec vous qu'on se montrera jamais intéressé. »« Voilà, mon enfant, un discours bien tendre et un procédé bien noble. Il me reste pourtant quelques doutes. Tiens, c'est la jeunesse. N'en parlons point. Si fait, parlons-en, et tu ne mens pas. Mon enfant, il devait se marier avec toi. As-tu inhumainement sacrifié ton prétendu ? Sûrement, dit-elle en riant. Je n'épouse plus que des gens de qualité, moi. J'allais répondre quand monsieur de Valbrun rentra. Ne vous avisez pas de sortir, me dit-il. La rue est certainement gardée. J'ai vu plusieurs escouades de guets se promener dans le quartier. J'ai vu rôder dans les environs beaucoup de gens de fort mauvaise mine. Passez la journée ici. Je vais aller rassembler quelques amis. Au milieu de la nuit prochaine, je reviendrai vous chercher en bonne compagnie. Et si vous voulez me rendre un véritable service, vous accepterez dans mon hôtel un asile qui ne sera pas violé. Vous, Justine, faites en mon absence les honneurs de ma petite maison. Je vous ordonne de traiter monsieur comme vous me traiteriez moi-même, et je vous pardonne, à sa considération, vos promenades du matin. Justine, je laisse, pour faire le service, mon jockey et la jeunesse. Ah ah, monsieur le vicomte, ce grand coquin dont vous étiez accompagné au jardin, c'est la jeunesse. Le connaissez-vous ? Oui, si c'est celui qui appartenait au marquis de B. Parle donc, Justine, n'est-ce pas le même ? Oui, monsieur de Faublas, un bon sujet, un excellent domestique. C'est toi qui l'as donné à monsieur le vicomte ? Oui, monsieur de Faublas. Bien, mon enfant, très bien. Tu lui as fait là un véritable cadeau. Le vicomte, en me disant adieu, me prévint qu'avant de sortir, il allait soigneusement faire barricader toutes les portes et me recommanda de n'ouvrir à qui que ce fût. Dès que nous fûmes seuls, Justine me demanda timidement par quel amusement je comptais remplir ma matinée. « Mon enfant, je déjeunerais volontiers si je n'avais pas une grande envie de dormir. Fais-moi donner un bon lit, et seulement aie soin qu'en me réveillant je trouve à dîner. » Elle soupira, pleura presque et me dit d'un ton dolent, « Vous êtes donc fâché contre moi ?»« Non, ma petite, je ne suis pas fâché, mais j'ai grand besoin de repos. » Elle soupira plus fort, me prit par la main, et me conduisit dans une chambre à coucher, commode, recherchée, galante plus que le galant bouloir de Madame de B. Et moi aussi je soupirais dans ce moment, mais ce fut de réminiscence. Justine, restée là, paraissait réfléchir et m'examinait attentivement. Je la priai de se retirer. Elle se le fit répéter deux fois, et m'obéit enfin en me lançant un regard qui disait plus que bien des reproches. Il n'y avait pas longtemps que j'étais couché quand on m'apporta une tasse de chocolat. Sensible à cette attention de la maîtresse du logis, je me proposai de lui faire mes remerciements quand je la vis entrer seulement vêtue d'une gaze légère. Déjà voluptueuse comme une grande dame, non moins délicate dans ses plaisirs raffinés, la petite créature faisait fermer tous les volets, de manière que le plus faible jour ne pût pénétrer. Les rideaux de taffetas jaune furent tirés, on plaça les bougies devant les glaces et l'encens brûla dans la cassolette. Tout cela se faisait sans qu'on daigne à répondre un mot à mes fréquentes questions. Mais dès que le jockey se fut retiré, Justine me dit que son premier devoir était d'obéir à M. le Vicomte et sa plus douce envie de faire la paix avec M. le Chevalier. À ces mots, plus promptes que l'éclair, elle s'élança près de moi, plus caressante que le zéphyr, et en moins d'une seconde, elle me fit oublier le coiffeur et la jeunesse et... « Ne crains rien, ma charmante femme, près d'un aussi méprisable nom, je ne placerai pas ton nom révéré. » Mais voici qu'au moment où cette fille si attentive, si digne de récompense, allait recevoir le prix de ses soins généreux, il se fit à la porte de la rue un grand bruit qui m'effraya. On frappait à coups redoublés. La jeunesse accourut, qui d'une voix altérée nous dit qu'on demandait à entrer au nom du roi. « Va, ma petite Justine, cours, ne souffre pas qu'on ouvre tout de suite, donne-moi le temps de me sauver. »« Vous sauver, où ? » ?»« Je n'en sais rien, mais qu'on n'ouvre pas. » »« Tenez, dans le jardin, je vais vous faire porter une échelle, escaladez le mur à droite, et si notre voisine, la dévote, Madame Desglins, est tentée de vous recevoir aussi bien que moi, efforcez-vous de la récompenser mieux. » Justine, écoute donc. Eh bien, tâche de faire passer de mes nouvelles à Madame de B. J'ignore ce que je vais devenir, mais c'est égal, mande-lui toujours que je suis à Paris, que tu m'as vue. » Pendant ce court dialogue, on vient de m'apporter de la lumière. Je me suis promptement emparé de la pièce la plus essentielle de l'habillement masculin, pièce dont l'exacte bienséance m'ordonne de vous laisser deviner le nom, et que j'appellerai, si vous voulez bien me le permettre, le vêtement nécessaire. Comme je me prépare à m'en couvrir, j'entends le fracas redoubler. Il me semble qu'on enfonce les portes. Je n'ai pas le temps de mettre les habits que Justine m'a fait préparer. Je ne prends que l'épée de M. de Valbrun. En une seconde, ma main droite est armée du glaive protecteur, et ma main gauche, au lieu d'un bouclier, porte le vêtement nécessaire. Je m'élance sur l'escalier, je me précipite dans la cour, je vole au bout du jardin. La jeunesse me suit avec une échelle, il la plante, je monte. À la vue de plusieurs hommes qui viennent d'entrer avec des flambeaux dans la cour du vicomte, je sens que je n'ai pas un instant à perdre. Et sans m'amuser à considérer le terrain, que d'ailleurs je ne pourrais reconnaître parce que la nuit est noire, je me jette hardiment de l'autre côté du mur. Oh, ma Sophie, en serais-je quitte pour la petite contusion que je viens de me faire à la jambe ? Il est vrai que je marche sur un sable fin, mais j'estime qu'il est au moins 10 heures du soir. Je suis environné d'épaisses ténèbres, dans un jardin que je ne connais pas. La seule chemise dont je me trouve couvert ne me garantit point du vent de bise qui souffle avec violence. Je suis tourmenté de 1000 inquiétudes et je meurs de froid. Cependant, pourquoi perdre courage ? À Paris comme ailleurs, il n'y a pas de si mauvais pas dont un malotru ne se tire avec de l'argent. À plus forte raison un enfant de famille quand il a sa bourse pleine d'or et l'épée à la main. Va donc, Faublas, va examiner un peu la maison que tu entrevois à quelques pas de ce bassin dans lequel tu étais bien près de tomber. J'avance à pas compter, sans bruit. J'arrive et doucement je tâtonne. Comment donc se fait-il qu'on m'ait entendu ? Je ne le conçois pas, mais enfin la porte m'est ouverte et comme je ne vois plus de lumière, j'entre avec confiance. « C'est vous, monsieur le chevalier ?» me dit-on alors tout bas. Aussitôt, je déguise ma voix en l'adoucissant beaucoup. D'un ton et aussi mystérieux que le sien, je réponds « Oui, c'est moi. » On avance au hasard la main qui rencontre la garde de mon épée. Vous avez l'épée à la main ? Oui. Est-ce qu'on vous poursuit ? Oui. Est-ce qu'on vous a vu passer par la brèche ? Oui. Ne le dites pas, ma maîtresse, elle aurait peur. Où est-elle ? Qui, ma maîtresse ? Oui. Vous le savez bien, dans son lit. Vous pourrez passer toute la nuit ensemble. Monsieur est allé à Versailles accoucher une grande dame. Il ne reviendra que demain. Bon, mène-moi chez ta maîtresse. Ne savez-vous pas les être ? Oui, mais j'ai eu peur. Ma tête n'y est plus. Conduisez-moi. Là, bien, par la main. À peine avons-nous fait 4 pas que la femme de chambre, en ouvrant une seconde porte, dit « Madame, c'est lui ». La dame du logis m'adresse la parole. « Tu viens bien tard ce soir, mon cher Flourvac. Impossible, plutôt. Ils t'ont retenu ? Oui. Eh bien, où es-tu donc ? Je viens. Qui t'arrête ? Je me déshabille. Vous savez que je n'avais pas besoin de me déshabiller, vous à qui j'ai compté que ma main gauche portait mon unique vêtement. Mais convenez que je ne devais marcher qu'avec beaucoup de précaution et de lenteur dans une chambre pour moi nouvelle, où, très heureusement, il n'y avait ni feu ni lumière. Enfin, parvenu jusqu'au pied du lit, je dépose doucement par terre le vêtement nécessaire et mon épée, puis, soulevant une molle couverture dont l'édredon propice va me réchauffer, je tombe dans les bras d'une inconnue qui commence par me donner le baiser le plus tendre. « Oh, que tu as froid !» me dit-elle. « Il gèle si fort, mon cher chevalier, ma douce amie. La rigueur de la saison ne t'empêchera pas de venir ? Sûrement non. Toutes les fois que M. Desglin découchera ? Oui. Bathilde, pour l'avertir, fera toujours comme aujourd'hui. N'est-ce pas ingénieusement imaginé ce petit lampion allumé sur la fenêtre ? Oui. Et ce pan de mur que j'ai fait abattre ? Oui, j'ai passé par la brèche. Et tu y passeras plus d'une fois, car nos voisins, les magnétiseurs, ne la feront pas réparer de l'hiver. Sans doute. N'es-tu pas content d'être venu loger chez eux ? Très content. Tu sais, mon cher Flourvac, que mon mari est allé à Versailles, oui. Nous pouvons passer ensemble la nuit entière. Tant mieux. J'étais sûr qu'il en serait bien aise, mon chevalier. Oh, mon ami, tu m'aimes toujours, Flourvac ? Je t'avouerai pourtant que j'ai eu du chagrin cet après-dîner, mon ange. Pourquoi ? Tu n'es pas venu me rejoindre au serment. Impossible. Mais ce matin, j'étais bien contente. Et toi ? Ravie. La messe ne t'a pas paru longue ? Oh non. Que j'avais de plaisir à te regarder. Et moi ? Que tu as bien fait de mettre ta chaise à côté de la mienne, n'est-il pas vrai ? Mais tu as mal fait de me parler. La raison ? Toutes ces dames qui me connaissent et qui m'estiment, qu'auront-elles dit de me voir causer dans l'église avec un jeune officier ? Je conçois. Tiens, mon cœur, ne viens plus m'y trouver à l'église. Parce que dans le fond, cela n'est pas bien. Oh ! Vraiment, ma conscience n'est pas tranquille. Bon. Faire l'amour jusque dans la maison du Seigneur, il est vrai que... Préférer la créature au créateur, vraiment, et un militaire encore, comment ? Si du moins c'était un abbé, mais... À propos d'abbé, mon ange, as-tu fait ma commission ? Laquelle ? Tu l'as oubliée ? Laquelle ? Tu sais que le maigre m'incommode. Eh bien, quoi, Flourvac ? Vous ne vous souvenez pas que je vous ai prié d'aller consulter ? Eh oui, un médecin. Point du tout, un prêtre. Oui, oui, je me rappelle. Un prêtre, pour lui demander la permission... Il te l'accorde. À moi ? À qui donc ? Vous m'avez nommé moi ? Non, une parente. Ah bon ? Ainsi, mon cœur, je puis donc faire gras le vendredi et le samedi ? Oui. Ah, que je suis aise ! Ah, que je te remercie ! Le baiser qu'alors la dévote me donna me parut le plus vif de tous. J'en avais reçu beaucoup d'autres pendant qu'occupé du soin de soutenir une conversation difficile. Je m'étais efforcé de ne répondre que par de courts monosyllabes aux questions que multipliait l'inconnu trompé. Cependant, ces appâts, quoique toujours défendus par une toile modeste, agissaient sur moi plus efficacement que l'édredon le plus chaud, et mon sang s'étant ranimé, je me retrouvais ces dispositions heureuses, dont quelques minutes auparavant, Justine eût profité, si des gens ennemis de son bonheur n'étaient venus méchamment nous interrompre. Aussitôt, j'essayais de prouver ma reconnaissance à l'hospitalière beauté qui me faisait si complètement les honneurs de chez elle. Mais qui de vous, à ma place, s'y serait attendu, messieurs ? On m'opposa la plus sérieuse résistance. « Finissez, me disait-on, finissez, Flourvac. Vous savez nos conventions. Ce n'est pas ainsi. Non, non, je ne le souffrirai point, je ne le veux pas. » très surpris de l'étrange caprice de cette femme inconcevable qui, dans l'hiver et par un temps affreux, fait escalader des murs à son amant pour qu'il vienne paisiblement sommeiller auprès d'elle, je me remets à ses côtés sans dire un mot et bientôt je vais m'endormir. Bientôt aussi, je l'entends qui sanglote et toujours à voix basse, je lui demande ce qu'elle a. « Ce que j'ai, » répond-elle ingrat, « vous ne m'aimez plus, vous oubliez nos conditions. Près de moi, vous restez immobile. Mes embrassements ne vous paraissent plus désirables s'ils ne sont comme ceux des femmes vulgaires, impudiques et criminelles. » Elle me tint plusieurs autres discours dont je ne pouvais pénétrer le sens obscur, mais enfin, elle s'expliqua si clairement du geste et de la voix qu'elle m'enseigna ce que peut-être vous serez étonné d'apprendre. Mes désirs avaient été repoussés d'abord, parce que j'avais malhonnêtement exprimé mes désirs, parce que, d'une main profane, j'avais voulu soulever l'unique voile dont les pudiques attraits de cette beauté, toujours modeste, devaient rester enveloppés. Il fallait, sans écarter, sans déranger la fine toile artistement ouverte, il fallait le moins indécemment et le mieux possible embrasser de toutes les femmes la plus vive et la plus chaste en même temps. En vain, la dévote, d'une voix entrecoupée, bégayait entre mes bras ces mots inusités, quoique expressifs, divin transport, bonheur des élus, joie du paradis. Je ne partageais que médiocrement cette joie, ce bonheur, ces transports si vantés. Peu curieux de rechercher encore une demi-félicité, je reprends à côté de Madame d'Aiglin une place que je suis presque fâché d'avoir quittée, et je ne songe plus qu'à l'adroit mensonge qu'il faut que je lui fasse pour que, sans allumer ses bougies, sans appeler sa femme de chambre, elle veuille bien me donner elle-même de quoi chasser l'appétit dévorant dont je me sens atteint. Mais j'aurais pu me dispenser de mettre mon esprit à la torture. Il était décidé que j'irais souper ailleurs. « On fait du bruit, » dit-elle. « Mais qu'est-ce donc ?»« Quoi ?» c'est la voix. « Cela ne se peut pas. » « Mais pourtant, bon Dieu oui, c'est la voix du chevalier. De mon amant, comment se fait-il ? Un inconnu ? À l'horreur, je suis perdu. » Au premier bruit que j'ai entendu, au premier mot qu'elle a prononcé, je me suis jeté hors du lit. Tandis qu'elle flotte, incertaine, je mets précipitamment le vêtement nécessaire, non pas à mon bras gauche, comme tout à l'heure, mais en son véritable lieu. Je prends mon épée, j'avance à tâtons, je pousse une porte entrebâillée, et si je calcule bien, je dois être maintenant dans la première pièce où m'a d'abord reçue la femme de chambre qui faisait sentinelle. Ce qui confirme ma conjecture, c'est que, loin de moi, j'entends un homme qui, dehors, grelotte, s'impatiente et tout bas, mais très distinctement, répète sans cesse « Bathilde, ouvre-moi donc !» Cependant, Madame d'Aiglin vient de prendre un parti. Sortie de sa chambre à coucher, elle s'avance dans la pièce où je suis. D'une voix étouffée, elle appelle celui qu'elle a cru son amant. Au lieu de lui répondre, je m'arrête, et le bruit de sa marche me fait juger que, sans me toucher, elle a passé tout à l'heure auprès de moi. « Qui que vous soyez, » dit-elle alors, « veuillez au moins m'entendre. Ne me perdez pas tout à fait. Fuyez, sans que le chevalier vous voie. Fuyez, et je vous pardonne si vous me gardez le secret. » C'était mon intention. Je comptais m'élancer dehors dès que la porte serait ouverte. Mais l'infortunée dévote l'ouvre trop tard. Après que Madame d'Aiglin a tourné deux fois la clé dans la serrure, à l'instant même où M. de Florbach pousse l'un des deux battants, Bathilde, qui n'est point encore couchée, Bathilde, attirée par le bruit qu'elle entend, paraît avec de la lumière. Quel spectacle pour chacun de nous! La scène est dans une espèce de salle à manger. Dans le fond, sur ma gauche, la malencontreuse femme de chambre nous fixe les uns après les autres en roulant de grands yeux ébahis. En face de moi, sur le seuil de la porte qui communique au jardin, je vois un jeune officier immobile d'étonnement. Dans l'espace intermédiaire, Madame d'Aiglin, consternée, tombe sur une chaise et se cache le visage. Cependant, elle ne l'a pas fait si vite que je n'ai pu distinguer ses traits, et toujours entièrement occupée de l'objet qui me touche le plus, toujours incapable de dissimuler l'impression que me fait la vue d'une jeune femme, je m'écrie « Elle est ma foi gentille ?»« La perfide !» répond l'officier furieux, « scrupuleuse dévote, il vous en faut plusieurs !» Je veux parler, je veux justifier Madame d'Aiglin, mais le jeune homme, peut-être trop vif, ne m'écoute pas et tire son épée que rencontre aussitôt la mienne. Aux premières bottes, je sens que le jeune Florvac n'est pas fait pour lutter avec moi. Bientôt, serré de près, il se voit forcé de faire plusieurs pas en arrière. le jardin devient le théâtre du combat. Comme je veux surtout gagner du terrain pour m'assurer une prompte retraite, je ne cesse d'avancer sur mon adversaire qui, surpris d'être si vigoureusement poussé, recule toujours. Nous arrivons à l'entrée d'une allée qui me paraît spacieuse. Là, je romps brusquement la mesure et je m'échappe. Mon adversaire, aussi courageux que peu redoutable, me poursuit. Et l'obscurité ne me permettant pas de courir vite, il va bientôt m'atteindre. Je me retourne, le fer se croise de nouveau. Celui de l'ennemi, gouverné par un poignet trop faible, saute à 10 pas. Les deux femmes sont accourues, saisissent et retiennent le vaincu. Le vainqueur se jette derrière une charmille et fuit. Je vais le long du mur, cherchant la brèche dont je me souviens que Madame Desglin m'a parlé. Je la trouve enfin, je grimpe, et me voilà dans l'enclos des voisins les magnétiseurs.